Votre question. Bien. On a l'impression que la vie nous doit quelque chose. Est-ce que c'est réel, ça? Ce n'est pas que la vie nous doit quelque chose, c'est que nous devons nous donner tout de la vie. Dire que la vie nous doit quelque chose, ça c'est vouloir être charitable vis-à-vis de soi-même. C'est pas que la vie nous doit quelque chose, la vie est un continuum d'énergie, c'est à nous d'aller chercher tout de la vie dans la mesure où nous sommes en vie. Mais nous ne sommes pas en vie, nous sommes morts. Les morts demandent à la vie de leur donner quelque chose. Imaginez-vous si c'est plaisant. Nous sommes des morts vivants pour que la vie nous donne ce que nous avons de besoin. Autrement dit, pour que nous allons chercher dans la vie tout ce que nous avons de besoin pour être vital. Autrement dit, pour être créatif, il faut que nous connaissions la vie. Si vous voulez produire quelque chose dans l'industrie, il faut que vous connaissiez les moyens de production. Il faut que vous connaissiez les lois de l'industrie. Il ne s'agit pas pour vous de dire « il faut que l'industrie me paie un salaire ». C'est à vous d'aller dans l'industrie, de vous rendre créatif pour que le salaire vienne naturellement. Nous voulons que la vie nous donne quelque chose. La vie n'a rien à nous donner, puisque la vie en elle-même est absolument généreuse, elle est absolument créative. Mais nous manquons d'intelligence créative, donc nous ne pouvons pas bénéficier de sa générosité. Parce que nous sommes astralisés dans notre conscience. Nous ne sommes pas des êtres vivants, nous sommes des êtres morts qui retournent à la mort. Nous sommes des morts vivants, l'homme c'est un mort vivant, tous les ésotéristes, toutes les écoles du passé l'ont dit. Mais l'homme est arrivé à un point aujourd'hui où il a la capacité finalement de déchirer le voile de cette ignorance, c'est-à-dire de commencer à mettre fin au pouvoir de la mort sur sa conscience. Et quand je parle du pouvoir de la mort, je ne parle pas du pouvoir de la mort de façon allégorique. Je parle du pouvoir de la mort dans un sens absolument réel. À partir du moment où il est capable de constater la nature de ses pensées. Si vous avez une pensée qui est conne, c'est pas de votre faute. Si on vous l'a pas dit. Mais si on vous l'a dit, on vous a expliqué le monde de la pensée, si on vous a expliqué comment fonctionne la pensée, comment œuvre le monde de la mort, comment œuvre les décorporalisés dans le monde de la mort, si on vous a expliqué la nature de l'astral, et que vous continuez à vivre vos pensées connes, à ce moment-là, vous êtes réellement un con, et à ce moment-là, vous méritez de mourir, vous méritez de ne pas avoir accès à la vie, et vous méritez aussi de vous gargariser avec les grandes questions, est-ce que la vie me doit quelque chose, ou les grands espoirs, la vie devrait me donner quelque chose, qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Quelqu'un qui s'interroge sur le sens de la vie, est-ce qu'il mérite de mourir? Quelqu'un qui s'interroge sur le sens de la vie, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vie. Quelqu'un qui connaît la vie ne s'interroge pas sur le sens de la vie. S'interroger, ça fait partie de l'ignorance de l'âme. Ça fait partie de la recherche spirituelle de l'âme. Ça fait partie de la connivence du monde de la mort contre le monde de l'âme. S'intéresser au sens de la vie. Demandez à votre chat s'il s'intéresse au sens de sa vie. Nous sommes censés être des hommes intelligents. Les hommes sont censés être intelligents. L'homme n'est pas intelligent, il a accès à l'intelligence. Et il est totalement ignorant dans son intelligence, ce qu'on appelle de la stupidité. Ça là. Je pense donc je suis, est-ce que c'est encore de la philosophie? De la stupidité? Je pense comme je suis. Je pense donc je suis, c'est la plus grande connerie des philosophes. Je pense donc je suis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense, donc je suis capable de me prendre au sérieux. C'est ça, je pense, donc je suis. Est-ce que l'homme a besoin de penser pour être? La pensée de l'homme cartésien, la pensée de l'homme évolutif, c'est un niveau inférieur du mental. L'homme conscient n'a pas besoin de penser, il ne pense pas, il communique. Autrement dit, l'homme demain dira, je communique avec mon double, donc je sais qu'il se passe quelque chose. Autrement dit, est-ce qu'on peut laisser le bénéfice à Descartes de des mots justes, je pense, donc je suis, mais qui n'étaient pas dans le bon ordre, et que le bon ordre serait je suis, donc je pense? Je suis, donc je parle. Vous faites toujours des erreurs. Je suis, donc je parle. Ce besoin d'établir l'existence avec la pensée, ça fait partie de l'évolution, c'est un des grands mythes de l'histoire de l'homme, et c'est un des grands plaisirs du monde de la mort, parce que c'est à travers ce mythe-là que l'homme est maintenu dans son évolution. Nous devons, l'homme a le pouvoir, il doit prendre le pouvoir de détruire sa façon de penser par lui-même. Si l'homme ne détruit pas sa façon de penser qui est évolutive, comment voulez-vous qu'il passe à l'évolution? Si l'homme ne développe pas une façon de penser qui est conditionnée par la mort, comment voulez-vous qu'il passe à l'éther? Il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité, dans les connaissances involutives de l'humanité, de rien. C'est de la projection psychologique de l'ego qui a ou qui a voulu tendre vers une plus grande amélioration de sa vie mentale. Je comprends, j'apprécie les philosophies, j'apprécie les poètes. Mais l'homme n'est pas un philosophe, l'homme n'est pas un poète. L'homme est un scientifique de la vie. Et un jour, il sera scientifique de la vie à tous les niveaux, donc il sera scientifique dans la matière aussi. Maintenant, donc je suis. Le chat, il n'est pas le chat? Il est. Votre pigeon, il n'est pas votre pigeon parce qu'il ne pense pas? La bébite, elle n'est pas parce qu'elle ne pense pas? Comme quand... Quand qui dit, toutes les idées viennent du monde intérieur. Donc, lorsque l'on voit un arbre, nous voyons l'arbre à partir d'une perception interne, comme si l'arbre n'existait pas. Enlever l'humanité, la terre, l'univers disparaît. Ça, c'est l'orgueil allemand. Ça. Enlever l'observateur, la nature n'existe pas. Il a fallu que la nature existe pour que l'homme vienne. Il a fallu que les dinosaures viennent avant que l'homme vienne. Alors maintenant qu'on a vu tout ce que n'était pas la vie à travers les systèmes de philosophie, de croyances religieuses et autres, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la vie qui va nous surprendre? Une définition de la vie. La vie, ça ne se définit pas. Ça ne se définit pas, la vie. Moi, je vais demander dans ma tête qu'est-ce que c'est la vie, OK? On me répond que la vie, c'est une perte de temps tant qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, c'est une expérience. Vous voulez des questions? Je vais aller intérieurement. Demandez-moi des questions. Je vais vous répondre exactement comme je les reçois. Mais vous êtes capable de définir la vie, si vous voulez. Vous pouvez prendre une demi-heure de votre temps puis nous définir la vie pendant une demi-heure. Oui, mais définir la vie, à ce moment-là, c'est occulter la nature de la vie. Si j'occulte la nature de la vie, autrement dit, si je définis la vie en fonction de ses aspects visibles et invisibles, je lui donne une forme occulte. Mais ça donne quoi à l'homme, ça? Et c'est quoi la tentative actuelle de l'homme de définir la mort? L'homme veut définir la mort parce que l'homme veut mettre le doigt dessus, il veut savoir qu'est-ce que c'est, parce que la mort le chatouille. Mais est-ce que la mort, c'est la polarité inverse de la vie? Est-ce que c'est de la négation de la vie aussi simple? Non, la mort, ce n'est pas la polarité inverse de la vie. La mort, c'est un espace-temps temporaire pour que l'homme, lorsqu'il sort de son corps matériel, reprenne contact avec sa mémoire pour qu'il revienne plus tard dans un corps matériel un petit peu plus intelligent. C'est tout. C'est ça, la mort. Mais la mort ne fait pas partie de l'éther. La planète matérielle n'est pas le lieu naturel de l'homme. Est-ce qu'il existe des concepts provisoires, mais qui sont utiles à la compréhension de la vie, tels que la réincarnation? Oui, la réincarnation, c'est un concept qui est utile parce qu'il permet à l'homme de comprendre qu'il y a un processus de cyclisme où il revient dans l'invisible, il prend conscience, il réajuste un plan de vie, il revient, et ainsi de suite. Mais la réincarnation, c'est cyclique, c'est temporaire. L'homme ne peut pas constamment se réincarner, parce que c'est une perte de temps. Un jour, il faut que l'homme vienne et maintienne sa conscience permanente. Le problème avec la réincarnation de l'homme, de retour au monde de la mort, c'est que quand il retourne dans le monde de la mort, il devient encore un légume, assujetti aux lois lucifériennes, assujetti aux lois de l'évolution, assujetti aux lois des organismes gouvernementaux qui font partie du mouvement incessant dans la galaxie de reconstruire des formes pour le maintien du pouvoir. Il y a dans l'invisible des gouvernements, des forces qui contrôlent les forces de vie. Ils ont un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas mesurer ce rôle en fonction de nos concepts gouvernementaux sur le plan matériel. Mais il y a des forces qui travaillent dans le monde de la mort, les morts, autrement dit, ces êtres qui ont perdu la corporalité, ils vivent sous des lois qui les gouvernent. Ils ne peuvent rien contre ces lois. Comme l'homme sur le plan matériel, il vit sous des lois qui le gouvernent, et il ne peut rien contre ces lois. C'est pour ça que les êtres dans le monde de la mort ne sont pas plus avancés que nous. Au contraire, l'homme est dans une situation beaucoup plus beaucoup plus bénéfique face à l'évolution de sa conscience que s'il était mort. Ce n'est pas dans la mort que la fusion se fera, c'est sur le plan matériel. Le plus grand dilemme des morts, c'est de voir constamment cette lumière et ne jamais pouvoir y arriver. Et savoir que quelque part dans le temps, il faut qu'il y ait une connexion, une fusion avec cette lumière. Et dernièrement, il commence à savoir que cette fusion doit se faire sur le plan matériel. Donc, il commence à s'énerver un peu. Nous avons été mystifiés par la mort. L'homme est mystifié par la mort. Et il est mystifié par la mort parce qu'il ne connaît pas la vie. S'il connaissait la vie, il ne serait pas mystifié par la mort. Mais pour connaître la vie, pour comprendre la vie, il faut être en contact avec des intelligences, des niveaux d'intelligence qui ne sont pas régis par la matière, qui ne sont pas régis par la mort, qui ne sont pas régis par la matérialité et qui ne sont pas régis par la lune noire. Il faut que ce soit une communication, un lien universel, permanent, éternel et sans fin. À ce moment-là, l'homme peut commencer à grandir en conscience. Il n'y a pas de mystère. Tout se répond. Il y a des réponses à tout. Et le pire, c'est que dans le fond de chaque être humain, ce savoir, il existe. Tous les êtres humains savent que c'est pas naturel qu'on soit con. Tous les êtres humains savent que c'est pas naturel qu'on ne soit pas libre. Tous les êtres humains savent que c'est pas naturel qu'on meure. Tous les êtres humains savent que c'est pas naturel qu'on puisse pas commander à la matière, qu'on puisse pas se guérir soi-même. Tous les êtres humains le savent, quelque part. C'est ça d'ailleurs qui les amène à vouloir rechercher la pierre philosophale, toutes ces choses-là, ces objets d'amour spirituel. Donc, l'homme n'est pas con, il est simplement aveuglé par l'astral. Et à partir du moment où cette science descend sur le plan matériel, et elle commence, donc on peut s'imaginer ce qu'on va savoir dans 200 ans. Alors, l'homme commence à avoir accès à de l'information parce qu'il y a des hommes sur le plan matériel qui sont en communication télépathique mentale avec ce lien universel. Donc, le temps de l'évolution, il tire à sa fin, l'évolution commence, et les hommes vont commencer à prendre conscience. Ils ne pourront pas faire autrement. Ce n'est pas un mérite, ça fait partie du pouvoir de la lumière qui finalement reprend son contact avec l'humanité, mais ça va prendre des siècles pour que toute l'humanité passe. Mais en attendant, ça se fait au niveau individuel, et d'ailleurs ça se fera toujours au niveau individuel. Tout le monde veut vivre libre, tout le monde veut vivre en paix. Est-ce que l'accès à la science de la vie permettra de vivre libre et en paix? Oui. Sur le plan physique? Oui. Oui. Avant d'être mort? Si l'homme évolue suffisamment, il n'aura pas à mourir. Il va passer du plan matériel à l'éthérique. Ce n'est pas de la mort, ça. Mais si l'homme connaît la vie, oui. Tu ne peux pas vivre sur le plan matériel en fusion avec ton énergie sans créer constamment des conditions pour t'amener à la paix. C'est impossible. Un homme conscient ne peut pas créer au cours des années pour s'amener à la paix. Il possède son propre secret, il vit son propre secret avec le double. Le double amène, avec le temps, à la paix, l'équilibre total de tous ses sens sur le plan matériel. Et les hommes qui continuent dans cette énergie, en arrivent à passer du plan matériel au plan éthérique, ils reviennent sur le plan matériel, et un jour, quand ils ont fini leur travail, ils restent sur le plan éthérique. Donc, la paix réelle de l'homme, elle est le produit de la fusion. Elle sera le produit de la fusion de ce double avec l'ego. Où la personnalité sera totalement transmutée en personne. L'homme ne souffrira plus. Mais dans le processus de cette unification, de cette fusion, l'homme souffrira de grandes souffrances. Parce que l'ego, la mémoire, les illusions, l'absence de volonté intégrale chez l'homme, l'absence d'intelligence créative chez l'homme, qui fait partie de son évolution. Ces deux aspects-là seront les deux aspects les plus difficiles à rendre. Ils font partie de sa conscience, ils font partie de sa fusion, de son intelligence, de son énergie. Mais l'homme qui connaît la vie, ou l'homme qui connaîtra la vie, ne souffrira plus. La vie, c'est très simple. Mais on ne peut pas penser aux lois de la vie quand on pense subjectivement. On ne peut pas réfléchir à la vie, il faut que ça nous soit dit. Boum! On ne peut pas réfléchir à la mort, il faut que ça nous soit expliqué. Boum! Si un homme est en contact télépathique avec la mort, des entités, Il ne peut pas se permettre sur le plan mental inférieur de dealer avec ses intelligences. Elles sont trop sournoises. Même les êtres les plus spirituels dans le monde de la mort sont régis par des lois absolument, absolument intelligentes. Les maîtres spirituels, toute la hiérarchie dans le monde de la mort. Là. Vous parlez avec ces êtres-là, vous êtes mieux d'être bien ferré, mon cher. Ça prend plus qu'un doctorat à l'Université de Montréal. Donc, ça prend le double. Boop. Donc, le maître vient et le double vient. Et quand le maître et le double vient, le double disparaît. Le maître disparaît. Parce que le double, avec sa propre lumière à travers l'homme, il fait vibrer tellement ses corps subtils dans ces plans-là que finalement, ils éclatent. Il y a des hommes sur le plan matériel en fusion qui sont tellement vibrants que lorsque vient le contact avec ces entités éclatent. Ils ne peuvent pas supporter la lumière. Donc, à ce moment-là, l'homme voit. L'homme parle avec des morts, différents morts, toutes sortes de morts. Et les morts le savent quand il y a de l'intelligence, parce que l'homme vibre et il voit au niveau de ses corps subtils. Ils entendent au niveau du son de la parole. Et à ce moment-là, ils sont obligés de s'ajuster à la conscience de l'homme. Si la conscience de l'homme, elle est ici, ils vont s'ajuster à la conscience de l'homme, parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Les morts sont absolument impuissants sur l'homme conscient, mais ils ont une puissance absolue sur l'homme involutif. Donc, d'où vient cette polarité dont vous parlez? Elle vient de là. C'est que les morts ont un pouvoir absolu sur l'involution. Ils déchirent constamment l'homme. Le bien, le mal, le beau, le pas beau, bababa, bababa, bababa, bababa. La culpabilité, la générosité. Donc, ce pouvoir, il est très grand, et comme il est sanctionné par l'histoire, comme il est maintenu par la conscience collective, comme il est supporté par les systèmes philosophiques spirituels, comme il est maintenu par les familles, comme il est maintenu par les gouvernements, l'homme, qu'est-ce qu'il est, lui? Il est un numéro dans une conscience collective, donc il est totalement rattaché à la conscience de la race. L'homme appartient à la race humaine. L'homme n'a pas appartenu à la race humaine. La race humaine est le véhicule qui l'a amené dans le monde. Mais l'homme intégral n'appartient pas à la race humaine. Il appartiendra à la race des immortels. La race humaine durera tant que l'homme ne sera pas passé du stage matériel au stage éthérique. Un jour, il n'y aura plus de race humaine sur le plan matériel. Il y aura une conversion d'une race matérielle en une race éthérique qui a le pouvoir sur la matière, qui a le pouvoir de se matérialiser et dématérialiser. Mais il n'y aura pas de race humaine. Mais quelle est la fonction ou le rôle de l'homme face au règne animal et végétal? Le rôle de l'homme face au règne animal et végétal, c'est de les faire évoluer. Parce que l'homme, quand il est en contact avec le monde minéral animal, il le fait évoluer. Nous domestiquons les animaux, ils évoluent. Mon minou, il est beaucoup plus évolué que votre minou. Je l'ai conscientisé au cours des années. Je le flatte, je lui donne de l'affection. C'est un chat de ruelle qui était très laid quand il est venu. Maintenant, il est angora. Donc, il y a eu de l'évolution. Il n'y a pas de tension. Bien. Même chose pour les plantes. Les règnes supérieurs font évoluer les règnes inférieurs. Le surhomme fera évoluer l'homme. Et ainsi de suite. Mais le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il fait partie de la race humaine. Là, vous allez dire, ben oui, mais vous aussi, vous faites partie de la race humaine. Mon corps physique appartient à la race humaine. Point final. C'est pas mon esprit. Hein? Mon esprit m'appartient. L'âme fait partie de mon expérience, ou faisait partie de l'expérience de l'homme, à travers la conscience de la race humaine. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que dans l'univers, tout vit? Tout pulse. Le concept de vie, c'est un concept humain matériel. Le concept de la vie, c'est un concept qui fait que nous soyons obligés de prendre une forme pour la stabiliser à un certain niveau vibratoire pour qu'elle convienne à notre sensorialité. C'est parce que nous concevons la vie justement comme vous la questionnez que nous ne sommes pas capables de comprendre le monde de la mort. Tout pulse. Si tout pulse, est-ce que tout est conscient? Tout est à différents niveaux de conscience. Il y a des niveaux de conscience plus élevés que d'autres. Il y a des niveaux de conscience très élevés. Il y a des niveaux de conscience extrêmement élevés. Il y a des niveaux de conscience qui sont presque absolus. Mais il n'y a pas de niveau de conscience qui soit absolument parfait tout partout dans le cosmos dans un même temps. Excepté un. L'énergie. L'énergie, c'est la seule forme de conscience qui soit dans tous les temps, tous les espaces, consciente. L'énergie. Et vous savez qu'est-ce que c'est de la conscience? De la conscience. Il faut que je l'écrive. Vous avez un crayon? Non. C'est quelqu'un qui a un crayon? Du papier? Parce que je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui ai dit ça. C'est pour ça que je l'écris. De la conscience et de l'énergie, plus ou moins perfectionnée. Donc, que vous parliez de la conscience atomique, c'est de l'énergie, plus ou moins perfectionnée. Lorsque vous parlez de l'homme, c'est de l'énergie plus perfectionnée. Lorsque vous parlez du surhomme, c'est de l'énergie plus perfectionnée. Lorsque vous parlez des immortels, c'est de l'énergie plus perfectionnée. Lorsque vous parlez des Melchisédek, que vous parlez des dans votre vocabulaire d'homme, les anges, les archanges, c'est de l'énergie plus perfectionnée. Donc, vous ne pouvez pas parler de forme de vie. Vous pouvez parler de pulsion vitale. Alors, est-ce que la Terre ou la vie qui se manifeste sur la Terre est un laboratoire dans lequel on expérimente de la conscience? C'est ça. La Terre, c'est un laboratoire. Toute planète matérielle est un laboratoire. Et sur les autres plans, il y a des intelligences qui pulsent et qui font vibrer et qui manipulent l'énergie de ce laboratoire. Alors, pourquoi, si l'esprit est lumière, pourquoi lui faut-il passer par les ténèbres, la noirceur du plan physique, la densité de la matière, pour aller chercher une supposée conscience qu'il devrait être déjà dépositaire dans sa perfection? Parce qu'il y a eu, dans le passé, il y a eu des accidents dans l'univers. Il y a eu des accidents. Et ces accidents ont été responsables pour le choc qui a été donné à l'humanité, pour la rupture du lien universel. Il y a eu des intelligences qui ont créé dans le passé des sons. Ces sons ont créé, sont allés, se sont répandus dans l'univers, et ils ont créé dans le psychisme humain une disconnexion avec l'homme et son double. Le début de la rébellion qu'on appelle dans les textes ésotériques ou bibliques entre les forces lucifériennes et les forces de la lumière. Ces êtres-là, ce que nous appelons les lucifériens, il ne faut pas parler de lucifériens dans le sens moral, hein? Bon. Les lucifériens, c'était des êtres, des intelligences extrêmement avancées, qui ont travaillé avec des sons à des niveaux tellement élevés que des intelligences dans d'autres parties du cosmos qui étaient très avancées ont voulu utiliser, et lorsqu'ils ont utilisé ces sons, ils ont créé jusque dans les éthers de notre planète des chocs. Et ceci a coupé le lien universel entre l'homme et les mondes de la lumière. Maintenant, à travers ceci, l'homme a évolué, ses principes se sont développés, et maintenant, ces mêmes forces qui originellement étaient en contact avec lui vont revenir en contact avec lui. Mais maintenant, l'homme aura un ego. L'homme aura un corps matériel, vital, astral, mental, développé. L'homme, au lieu d'être simplement un réservoir pour la lumière sur une planète, deviendra lui-même un être créateur. Est-ce qu'il existe d'autres humanités semblables à la nôtre? Des porteurs de vie, des véhicules semblables aux nôtres? Oui, il y a d'autres humanités qui sont semblables à la nôtre. Ces humanités ont différentes formes d'évolution, elles ont évolué différemment, elles n'ont pas connu les guerres, elles n'ont pas connu l'animalisme. Donc, ce sont des humanités qui ont évolué sur le plan scientifique à un très très haut niveau. On peut dire d'elles qu'elles n'ont pas été coupées du lien universel. Non, c'est justement pourquoi elles sont très avancées, parce qu'elles n'ont pas été coupées du lien universel. Si l'homme n'avait pas été coupé du lien universel, aujourd'hui, l'homme sera extrêmement avancé, l'homme sera un extraterrestre comme ses êtres. Il pourra voyager dans le cosmos, ainsi de suite. Mais il y a eu des raisons pour ceci. Il y a eu l'accident, mais il y a eu aussi des raisons. Mais l'homme, ce n'est pas le passé philosophique ou occulte ou métaphysique de l'humanité que l'homme doit comprendre. c'est le présent de la nature de sa conscience mentale inférieure. L'homme doit comprendre, l'homme qui vient, doit comprendre finalement de façon mentale, de façon intelligente, de façon réelle et de façon créative le monde de la pensée. L'homme doit savoir qu'est-ce que c'est de la pensée. Ce n'est pas simplement quelque chose qui nous passe dans le cerveau. Ce n'est pas quelque chose qui se fait malgré nous-mêmes. L'homme doit connaître, doit réaliser où et quand elle est colorée, sa pensée. Pourquoi elle est colorée? À cause de quoi elle est colorée? Qu'est-ce qui est utilisé en lui pour qu'elle soit colorée? Sinon, l'homme serait dans son intelligence. Mais a-t-il le choix d'être intelligent ou stupide? À qui le choix? Est-ce que l'homme a le choix d'être intelligent ou stupide si c'est la pensée qui détermine l'une ou l'autre des conditions? Ça fait partie de son évolution. Si vous, vous avez un bon radio, vous allez prendre des bonnes ondes, vous allez bien enregistrer les ondes. Si vous avez un radio qui n'est pas en bon ordre, à ce moment-là, vos ondes vont vivre de la statique. L'homme, c'est un radio. Donc, c'est à l'homme, éventuellement, de passer d'un niveau d'évolution à un autre, et ceci se fera lorsque la science de l'esprit, la science de l'intelligence, de la lumière, de l'âme, toute la science psychique sera connue. Il faut que tout soit connu. Il faut que l'homme ait accès à toutes les réponses instantanément. L'homme ne peut plus se permettre de philosopher, de projeter. L'homme doit avoir une communication interne, doit avoir une révélation interne, doit avoir un savoir interne instantané aussitôt qu'il demande une réponse. Et l'homme a accès à ceci. Mais qu'est-ce qui va bloquer ceci? C'est son ego. C'est son ego. Donc, il faudra que l'ego s'ajuste, parce que la lumière ne peut pas descendre. C'est de l'énergie. Donc, il ne peut pas subir plus d'énergie dans un temps que dans un autre. Sinon, il devient fou. Donc, la lumière ne va pas rendre l'homme fou. Mais l'homme, lui, devra apprendre avec le temps à supporter cette communication, ce savoir interne, qui n'est pas le sien, mais qui fait partie de lui-même sur un autre plan, dans un autre monde, dans une autre dimension. Et tant que l'homme sera entêté et qu'il se refusera égoïquement ou philosophiquement de concevoir ou de réaliser que l'invisible est plus réel que le matériel, et que les conditions mentales de sa nature ne font pas partie des conditions psychologiques de son moi, que la structure psychique de son ego ne fait pas partie des conventions historiques de la psychologie ou de la philosophie ou des systèmes de l'évolution. Tant que l'homme ne sera pas suffisamment fort intérieurement pour absorber sur son épaule mentale le fait absolu de l'impossible, il ne pourra pas comprendre l'impossible, il ne pourra pas rentrer dans l'impossible, et c'est l'impossible qui est la clé de la vie. Tout ce qui fait partie de la vie à tous les niveaux doit être compris à partir des dimensions qui, pour nous, sont au niveau du rationnel, au niveau du mental philosophique, au niveau de nos cultures. Impossible. L'impossible, c'est le réel. J'ai travaillé quelques années en hôpital psychiatrique, pas en tant que patient, mais réceptionniste. Et il y avait énormément de gens qui étaient en contact, qui avaient une communication double. Et c'était des gens qui étaient taxés de schizophrénie, ils terminaient leur vie. Oui, parce que ces gens-là sont en contact avec des autres plans, mais ils sont en contact avec l'astral, et même les médecins, les scientifiques, ne sont pas prêts à accepter sans équivoque ce phénomène. Si un médecin, un psychologue, dans un institut d'aliénés, était conscient du phénomène de l'astral, il pourrait sortir ces hommes de l'hôpital en dedans de quelques mois sans aucune pilule. Parce qu'ils neutraliseraient le contact astral avec l'ego. Donc, ils sont obligés de passer par des moyens chimiques pour traiter ces individus et abaisser le taux vibratoire de cette communication. Mais le problème, c'est que l'homme paie le prix. Il devient légume. Au lieu de revenir et de sortir de ces instituts en force, conscient, il ressort de ces instituts, s'il ressort, légume. Donc, ces hommes font leur possible, mais l'homme, lui, paie le prix de notre ignorance des lois de la vie. Donc, ces gens-là auraient pu être des initiés plutôt que des schizophrènes. Oui, parce que ces hommes-là sont déjà en contact avec des mondes parallèles, ils sont déjà en contact avec des mondes dont ils doivent connaître les lois. Si ces hommes apprenaient à ne pas croire, ils connaissaient les lois de ces mondes, ils se sortiraient de ces expériences. Et probablement, ils deviendraient de grands initiés.